mon cœur a brûlé. Je rigole plus et depuis longtemps j'ai pas pleuré. Froid sur noir, je fais confiance à personne. J'aperçois tous ces rages qui attendent que mon heure sonne. J'ai perdu l'émotion comme un zinc s'est fait tuer. Aucune sensation, je déteste le monde, je dois l'avouer. Où est passé l'ange au fond de moi? Cette putain de guerre me l'a prise et abattue au fond des bois. Je te baisse, qui que tu sois, d'où tu sois. Quoi que t'as vu, t'as vécu, j'ai la rage plus que toi. Au fond de moi, je porte une son sinistrée. Trop de rage, mon point de vue est triste, mais trop de pute, prépare ta chute, te souhaite le pire. Mort de rire quand tu te voyes en train de souffrir. Coupe l'instru, écoute ma voix, sois déçu. Qu'est-ce t'as cru, qui je suis, mec, t'as jamais su. Depuis ma naissance, la vie me joue un jeu. Mon destin si merveilleux et si affreux. Il y a eu tant de choses qui m'ont fait mal au cœur. Il y a eu tant de choses qui m'ont fait oublier la douleur. Quand je repense à mon passé, j'ai un léger sourire. Putain, 19 ans, déjà un livre, je pourrais écrire. J'ai traversé autant de pays et autant de villes. Qui aurait dit ça le jour quand on m'a coupé le nombril. Le matin, quand je me lève, je me regarde dans la glace. Je vois que toutes ces années ont laissé des traces. Tous ces gens qui ont paru dans ma vie. Beaucoup n'y sont plus, mais ils seront gravés à l'infini. Dans mes pensées, y'a autant de souvenirs que je pourrais m'y envoler pendant des mois sans atterrir. En 92, on a fui la guerre de Bosnie. On a tout quitté, la maison et la famille. On a vécu 7 mois assises dans une chambre avec ma tante et mes cousins, c'était si sombre. Pas grand chose à manger, on pensait même pas aux bonbons. La soupe sucrerie, c'était du sucre au cacao. Afrogine, tu te rappelles de ce moment? Et cousins et cousines, faut y penser de temps en temps. Quand la daronne nous ramenait cette assiette avec un peu de pain, au bout d'une minute, il restait aucune miette. Ce qui comptait, c'est qu'on était toujours en vie. La guerre, ouais, la guerre, nous tous a brisé la vie. Fin 92, en Allemagne, on rejoint papa. J'oublierai pas son pleur quand il m'a serré dans ses bras. Ensuite, ça commence à s'arranger enfin. La guerre s'est terminée, je te remercie à toi, Allah. Juillet 99, on doit quitter ce pays. À ce moment, ma mère a mourir failli. L'ulcère qui s'est créé à cause des problèmes dans l'estomac. Où aller maintenant, ce cauchemar n'a pas de fin. L'autre bled n'est plus comme avant, on sent plus chez nous. Perdu dans le monde, les nerfs poussés à bout. On a fait un nouveau pas en venant en France. Mais on n'a jamais réussi à atteindre la flamme de la souffrance. Quoi qu'il en soit, alhamdoulilah, vit pas mal. Un temps sur la tête, un peu de thune, plus la dalle. On se contente de peu, on vit comme on peut. De temps en temps, on se réalise de petits vœux. J'ai pas écrit ces textes pour me plaindre. Juste pour te dire que malgré tout, mes 19 ans, j'ai réussi à atteindre. Juste pour te dire que chaque souffrance a sa fin. Juste pour te dire que ça ira mieux demain. Ne laisse pas t'abattre par les épreuves imposées. Y'a toujours pire, baisse pas la tête, faut avancer. Si tu crois plus en toi, alors crois en Dieu. Fais-le que tu sois ou pas religieux. Ce mensonge dédié à ceux qui veulent se battre à partir d'aujourd'hui. Ceux qui se battent tout au long de la vie. Chaque problème apparaît pour être résolu. Et la terre tourne avec ou sans nous. Ce morceau est pour ma mère, mon père et ma sœur. Pour toute ma famille que je porte dans mon cœur. Pour ceux qui sont partis trop tôt. Pour mes amis les vrais que les vrais potos. Faites en sorte de tirer une leçon de chaque situation. Faites en sorte de résister aux mauvaises tentations. La vie paraît longue mais elle ne l'est pas. Je remercie chaque jour à Dieu avant de partir de là.